الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Commence aujourd'hui le cours numéro 16 dans l'explication du livre Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, au dernier cours, il avait commencé à expliquer le fait que parmi les meilleurs, parmi les awliya, il y a Al-Khulafa Al-Rashidin, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, radiyallahu anhum, puis ensuite Ahlu Bay'at Ar-Ridwan, les gens de la Bay'a qui ont fait allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre le jour de Al-Hudaybiyah. Et il y a également ensuite les propos que le cheikh il explique par la suite. Il dit maintenant: wa mithlu hadha al-hadith al-akhar inna awliya'i al-muttaqun ayyan kanu wa haythu kanu kama anna min al-kuffar man yadda'i annahu waliyullah wa laysa waliyan lillah bal aduun lahu. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il mentionne, il dit également dans semblable à cela dans un autre hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme c'est rapporté par Abu Daoud, Ahmad ibn Hibban dans At-Tabarani, At-Tabarani al-Awsat wal-Kabir, avec des termes rapprochés, il dit: inna awliya'i al-muttaqun, mes serviteurs rapprochés qui ont at-taqwa, c'est-à-dire qui m'adorent et qui font ce que je leur ordonne et qui s'écartent de ce que je leur interdis par crainte de mon châtiment et par espoir en ma récompense, peu importe qui ils sont et peu importe où ils soient. Et le cheikh il dit ensuite: de la même manière que parmi les kuffars il y en a qui peuvent prétendre être des rapprochés d'Allah, alors qu'ils ne sont pas des rapprochés d'Allah, même que ce sont des ennemis d'Allah, Et Cheikh Al-Fawzan il explique maintenant ce passage là. Il dit: yaqulu sallallahu alayhi wa sallam innama awliya'i al-muttaqun wa laysu ghayra al-muttaqin فكل تقي فهو ولي لله ورسوله أينما كانوا من الأرض ولم يكونوا ولو لم يكونوا في مكة وأينما كانوا من الأرض حيث كانوا ومن كانوا ولو كانوا من الموالي أو من المماليك أو من العرب أو من العجم من كانوا المتقون هم كانوا أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc ici le cheikh en fait il explique que le hadith en question c'est en fait la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi j'ai dit mes serviteurs rapprochés, mes serviteurs pieux sont en fait la signification correcte, parce que c'était juste une partie du hadith que le cheikh il a mentionné. Et donc moi j'ai traduit ça de cette façon, mais la traduction qui est plus exacte c'est: certes mes supporters ou mes serviteurs, c'est pas mes serviteurs, parce qu'ici il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de ses alliés et de ceux qui le supportent, et non pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est pour cette raison là donc que la traduction correcte ici ce serait plutôt mes supporters, mes alliés sont les pieux, sont al-muttaqoun, sont ceux qui ont at-taqwa, peu importe qui ils sont et peu importe où ils sont. Et donc le cheikh al-Fawzan il explique, il dit que les alliés du messager sallallahu alayhi wa sallam et ses supporters ne sont personne d'autre que les muttaqoun, ce sont les muttaqoun et personne d'autre qu'eux. Donc toute personne qui est taqi, c'est-à-dire qui a at-taqwa, Et at-taqwa, c'est le fait de se préserver du châtiment d'Allah en faisant ce que Allah ordonne et en s'écartant de ce qu'il interdit. Donc toute personne qui est taqi, alors c'est un wali d'Allah et un wali de son messager. Hein, c'est un rapproché d'Allah et c'est un allié du messager sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe où il soit sur terre et peu importe qui ils sont, même s'ils ne sont pas de Mecca, hein, peu importe d'où ils soient sur la terre et peu importe qui ils sont, même si ce sont des esclaves, même si ce sont des esclaves affranchis, ou bien des esclaves, ou bien des arabes, ou bien des non-arabes, peu importe qui ils sont, s'ils rentrent dans la caractéristique ou dans la description de ce qu'on appelle al-muttaqoun, hein, qu'ils font partie des gens qui ont la taqwa, alors ils sont les alliés du messager. D'accord? Et donc le terme awliya, ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi, c'est important de distinguer lorsqu'on dit awliya d'Allah et lorsqu'on dit awliya du messager d'Allah. Et dans les deux, ça ne veut pas dire la même chose. Awliya d'Allah, ça veut dire un serviteur rapproché d'Allah. Tandis que awliya du messager, eh bien ça veut dire quelqu'un qui supporte le messager, qui est allié du messager, qui l'aide, qui le supporte, qui le défend et qui est avec lui, hein, qui l'aime. Donc ça c'est la définition ici. Et c'est pour ça donc qu'au début j'avais traduit de cette manière, mais c'est important de comprendre selon le contexte, puisque le début du hadith, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il ne l'avait pas cité. Donc il dit ensuite, من الكفار من يزعم أنه ولي لله. Cheikh al-Fawzan il dit, parmi les kuffars, hein, il y en a qui prétendent être des alliés d'Allah, des rapprochés d'Allah parmi ses serviteurs. Et il dit, ومثل ما سبق من دعاوى المشركين من أهل مكة وأنهم أهل البيت وأنهم أهل الحرم فيستكبرون بذلك على الناس ويظنون أن هذا يكفي عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعون أنهم أولياء الله لأنهم أولياء بيته فهم أولياء الله. الله عز وجل رد عليهم إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون فهذا موجود في المشركين وكذلك وجد هذا في المنافقين وفي اليهود وفي النصارى وغيرهم ادعاء الولاية وليس لها دليل ادعاء الولاية وليس لها دليل. Donc le cheikh il explique que parmi les kuffars il y en a qui prétendent être des serviteurs rapprochés d'Allah, comme on a expliqué plus tôt, hein, au dernier cours, à propos de la prétention des mushrikines de la ville de Mecca, qui prétendaient qu'ils étaient les protecteurs de la maison d'Allah, de la Kaaba, parce qu'ils habitent dans le haram, hein, dans la mosquée sacrée. Et donc ils s'enflent d'orgueil, hein, par rapport aux autres. Hein, ils s'enflent d'orgueil devant les autres en disant, nous on est les habitants de la Mecque. Hein, nous sommes les protecteurs de la Kaaba. Nous sommes ceux qui nous occupons de la Kaaba, donc on est meilleurs que les autres. Et ils pensent que cela leur suffit. Et qu'à cause de ça, ils n'ont pas besoin de suivre le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Ils prétendent que malgré qu'ils ne suivent pas le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont des serviteurs quand même, des serviteurs rapprochés d'Allah, parce qu'ils sont les alliés et les gardiens de sa maison. Hein? Et ils pensent que c'est à cause de ça, ils sont les alliés d'Allah, et Allah les réfute en disant, certes, ces gardiens, les gardiens de la Kaaba, sont seulement les muttaqoun, sont seulement les pieux, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et donc ça, cette caractéristique-là, elle est présente chez les mushrikines, le fait de se prétendre awliya d'Allah, hein, alors que ce n'est pas le cas, c'est présent chez les mushrikines, c'est présent chez les munafiqines, et c'est présent chez les juifs et chez les chrétiens, et autres également. parmi ceux qui prétendent posséder hein, cette caractéristique, alors qu'ils n'ont à ce sujet aucune preuve. Et le cheikh il dit ensuite, cheikh l'islam ibn Taymiyyah, كذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويظهرون الإسلام يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنه مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين الإنس والجن. Donc le cheikh il dit, de même que chez les munafiqin, il y en a, donc ceux, les munafiqun, c'est ceux qui laissent paraître l'islam, hein? En apparence, il montre et il déclare le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, et il déclare que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est envoyé à tous les hommes, et même qu'il est envoyé à tous les hommes et à tous les djinns, hein, et malgré tout, il ne croit pas. Hein. Et là, le cheikh, il explique, cheikh Al-Fawzan, il dit, « Wa mimma yadda'i al-walaya thalathatu tawa'if » الطائفة الأولى المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر الطائفة الثانية الصوفية غلاة الصوفية الذين يزعمون أنهم وصلوا إلى الله فليسوا بحاجة إلى الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث إليهم وإنما بعث للعوام وليسوا بحاجة إليه والطائفة الثالثة اليهود والنصارى الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولكن قالوا رسالته للعرب خاصة ولا يدخل فيها اليهود والنصارى وهذا يأتي إن شاء الله. Donc le cheikh il dit que parmi les groupes hein, qui prétendent être des awliya d'Allah, il y en a trois. Le premier groupe, c'est le groupe des hypocrites qui laissent paraître l'islam et qui cachent la mécréance. Le deuxième groupe, c'est le groupe des soufis. Le groupe des soufis, les soufistes. Hein, parmi les extrémistes parmi eux, parmi les extrémistes parmi les soufis, ceux qui prétendent qu'ils ont atteint, hein, qu'ils sont arrivés à Allah. Ils prétendent qu'ils sont arrivés à Allah. Et que donc ils n'ont pas besoin du messager. Hein, ils n'ont pas besoin du messager et le messager n'a pas été envoyé pour eux. Puisque eux, ils prétendent que le messager a été envoyé pour le commun des hommes, les gens ordinaires. Alors eux, étant donné qu'ils pensent qu'ils ont atteint un certain degré, qu'ils sont arrivés à Allah déjà, donc ils disent, nous on n'a pas besoin du messager. Hein? Allah al-musta'an. Et ça c'est du kufr, il n'y a pas de doute. Et il dit ensuite, également parmi le troisième groupe, la troisième catégorie, c'est les juifs et les chrétiens, ceux qui ont cru au messager, mais qui disent, non, ils disent par exemple, oui, ok, c'est le Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, oui, c'est un messager. Mais c'est un messager spécifique seulement pour les Arabes. Il n'est pas venu pour nous, les Juifs et les Chrétiens. Il est venu juste pour les Mushrikines, parmi les Arabes. Et il dit ça, on va en parler en détail, Inch'Allah. Le Cheikh, il dit, يَعْتَرِفُونَ بِهَذَا ظَاهِرًا وَلَكِنَّهُمْ فِي الْبَاطِنِ لَا يَعْتَرِفُونَ بِرِسَالَتِهِ ويكفرون به إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أن إنك لرسول الله نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم يعني أيمانهم الشهادة لأن الشهادة يمين فقولهم نشهد إنك لرسول الله هذا يمين أيمانهم جنة يعني اتخذوا أيمانهم جنة جنة أي سترة يستترون بها عن القتل أن يفعل بهم ما فعل بالكفار يعني أن يفعل بهم ما فعل بالكفار فهم أظهروا الإسلام سترة لهم اتخذوا أيمانهم جنة أي سترة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون فهم يزعمون الإيمان ومعلوم أن المؤمن ولي لله فهم يدعون الولاية لله عز وجل وهم كذبة لأنهم في قلوبهم جاحدون منكرون. Donc le cheikh il explique que à propos des munafiqin, hein, ils reconnaissent en apparence, hein, ils reconnaissent l'islam en apparence, ils prétendent croire en l'islam en apparence, mais en eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, ils ne reconnaissent pas, hein, ils n'y croient pas réellement, ils ne croient pas réellement en la, au message du messager d'Allah. Plutôt, ils le renient. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset de 1 à 2 dans Surat al-Munafiqun, إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. Lorsque les hypocrites viennent à toi, ils disent nous savons que tu es certes le messager d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala il répond en disant et certes Allah sait, hein, que tu es son messager et Allah sait, Allah témoigne que les munafiqin sont des menteurs, ils ont pris leur témoignage, leur serment, c'est-à-dire leur témoignage de la ilaha illallah, hein, ou leur témoignage de Muhammad Rasulullah, ils ont pris ce témoignage-là comme un bouclier pour se cacher, pour se préserver, hein, pour se préserver, hein, pour ne pas être exécuté, pour ne pas être tué de la même manière que ceux qui ont opposé la foi, hein, ont été combattus et tués pour leur mécréance. Et il dit فَهُمْ أَظْهَرُوا الْإِسْلَامِ سِتْرَةً لَهُمْ. Donc ils ont laissé paraître l'islam pour se cacher seulement, hein, pour se couvrir. فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et ils ont donc obstrué le chemin d'Allah. إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Comme est mauvais ce qu'ils ont fait. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. Ceci parce qu'ils ont cru, puis ensuite ils ont renié la foi, alors leurs cœurs ont été scellés et donc ils ne peuvent plus comprendre. Hein, ils ne peuvent plus comprendre. Donc ils prétendent posséder la foi. Et il dit le cheikh que c'est bien connu que le croyant, c'est un serviteur rapproché d'Allah, un allié d'Allah. Et donc ceux qui prétendent d'être des alliés d'Allah parmi les munafiqin sont des menteurs parce qu'ils ne sont pas croyants. Ils sont des menteurs parce qu'ils ne sont pas croyants parce que dans leur cœur ils renient et ils rejettent la vérité. Le cheikh il dit وَيَعْتَقِدُونَ فِي الْبَاطِنِ مَا يُنَاقِدُ ذَلِكَ مِثْلُ مِثْلُ إِلَّا لِيُقِرُّ في باطني في الباطن بأنه رسول الله وإنما كانوا ملكا مطاعا ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك ويقولون إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب كما يقوله كثير من اليهود والنصارى. Donc le cheikh il dit les munafiqoun, les hypocrites, ils croient, c'est-à-dire que dans leur cœur ils croient en ce qui oppose leur témoignage. Dans leur cœur, les hypocrites, ils croient en ce qui oppose leur témoignage. Il dit par exemple, ils reconnaissent en eux-mêmes que c'est le messager d'Allah. مثله إلا يقر في الباطن إلا إلا يقر في الباطن بأنه رسول الله وإنما كان. Donc يعني il dit s'ils reconnaissent au fond d'eux-mêmes que c'était le messager d'Allah, mais uniquement dans le sens que c'était un roi qui devait être obéi, hein, et qui gouvernait les opinions selon son propre opinion, de la même manière que les autres rois dirigent les hommes. Donc il lui obéissait en tant que, pas en tant que c'était un messager, mais plutôt dans le sens que c'était un roi, il fallait lui obéir, il jugeait selon ses opinions, et on doit l'obéir comme on obéit à un roi. Donc eux c'était comme ça qu'ils agissaient avec lui, pas parce qu'ils croyaient sincèrement en son message et en le fait que Allah l'avait envoyé. Et il disait également, oui, c'est un messager d'Allah, mais uniquement pour les non-arabes. Ou bien, uniquement pour les arabes. Ceux parmi les hommes qui n'avaient pas reçu de livre préalablement. Hein? Mais ils n'étaient pas envoyés aux gens du livre, comme les juifs et les chrétiens. Et il dit, Ibn Taymiyyah, que ça, c'est ce que beaucoup de juifs et de chrétiens prétendent. Ok? Puis, Cheikh Al-Fawzan, il explique ceci. Il dit, خَدَعُوا لَهُ لِأَنَّ لَهُ سُلْطَةً خَدَعُوا لِلرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَتَظَاهَرُوا بِالشَّهَادَةِ لَهُ بِالرِّسَالَةِ لِأَنَّ لَهُ سُلْطَةً يَخَافُونَ مِنْ سَطْوَتِهِ فَهُمْ فَعَلُوا هَذَا لِأَجْلِ أَنْ يَعِيشُوا بِأَمَانٍ لَا أَنَّهُمْ فَعَلُوهُ إِيمَانًا مِنْ قُلُوبِهِمْ. Donc, ils se sont soumis au messager, sallallahu alayhi wa sallam, uniquement parce que le messager avait le pouvoir. Et donc, ils se sont soumis au messager et ils ont montré ouvertement le témoignage en son message. Hein, ils ont témoigné de son message et du fait que c'est un messager d'Allah en disant « Yani, nashhadu annaka la rasulullah » mais uniquement parce qu'il a une autorité et un pouvoir. Hein? Il craignait sa force et son pouvoir. Pas parce qu'il croyait. Juste parce qu'ils font ça parce qu'ils veulent vivre en paix et en sécurité. Hein? Ils l'ont pas fait parce qu'ils croyaient en le messager avec leur cœur. Donc ils étaient pas sincères. Ça c'est les munafiqoun. Et il dit ensuite, en ce qui concerne les juifs et les chrétiens, il dit وَمِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ مَنْ يَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ لَكِنْ رِسَالَتَهُ إِلَى الْأُمِّيِّينَ يعني إلى العرب فقط ولا تشمل أهل الكتاب فهذه شهادة باطلة لأنه لا تكون الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة إلا إذا كان الاعتراف برسالته إلى الناس عامة قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. Donc le cheikh il dit parmi les juifs et les chrétiens, il y en a qui témoignent que Muhammad صلى الله عليه وسلم est le messager d'Allah, mais ils disent que son message est spécifique, hein, spécialement pour les arabes qui n'ont pas reçu de livre seulement, hein, et que ça ne comprend pas, son message ne comprend pas les gens du livre, les juifs et les chrétiens. Et donc ce témoignage là c'est un témoignage qui est faux. S'ils témoignent de cette façon, hein, ils disent on témoigne que Mohammed est le messager d'Allah mais seulement pour les arabes et non pour le reste, le cheikh il dit dans ce cas là ce témoignage là il n'est pas valable. Il n'est pas valable, parce que pour que le témoignage de Mohammed Rasulullah soit valable, il faut qu'on témoigne du message, hein, que le messager a amené, que ce message-là est un message universel pour tous les hommes, et non seulement pour un groupe parmi eux, comme par exemple les Arabes, ou bien ceux qui n'ont pas reçu de livre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 158 dans Surat Al-A'raf, dit ô vous les hommes, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au messager, il dit à son messager, dit ô Muhammad, ô vous les hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Je suis pour vous tous le messager d'Allah. Donc ça veut dire que le messager, le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de tous les hommes et non pas seulement les Arabes. Ok? Et le verset 28 dans Surat Saba, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Et nous ne t'avons envoyé et nous t'avons envoyé pour tous les hommes. Nous ne t'avons envoyé que pour tous les hommes. كَافَّةً لِلنَّاسِ, c'est-à-dire pour tous les êtres humains, pour tous les hommes, comme Bashir et comme Nadir. Bashir, ça veut dire celui qui annonce une bonne nouvelle. Et Nadir, c'est celui qui vient faire un avertissement. Et il dit Donc quiconque veut restreindre, hein, فمن قصر رسالته على الأميين يعني العرب وأن أهل الكتاب لا يدخلون تحت دعوته ولا يعترفون برسالته فهو كافر بالله عز وجل. Le cheikh il dit donc, celui qui veut restreindre son message uniquement aux Arabes et qui prétend que les gens du livre n'entrent pas dans sa mission, hein, et dans les gens pour qui il a été envoyé, eh bien, ça veut dire qu'ils n'ont pas réellement reconnu son message. Et donc, ils ont renié la foi en Allah. Celui qui n'a pas cru que le message du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est pour tous les hommes et qu'il est universel, eh bien, ceux qui n'ont pas cru en ça, ils ont été des, ils sont des koufars en réalité, ils sont des mécréens. C'est comme ceux qui, par exemple, qui disent l'islam c'était juste une religion qui a été révélée et qui doit être appliquée uniquement selon par rapport à son époque, c'est-à-dire l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ça peut plus s'appliquer à notre époque actuelle. Donc, ou bien de dire que ce qui a été dit dans le Coran, ça s'applique uniquement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on ne doit plus aujourd'hui l'appliquer, ou bien qui pense qu'on doit juste prendre notre religion de qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran seulement et que la sunna, ça c'est pas une référence dans la religion. Tout ça c'est des paroles de kufr. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit le cheikh, ففي هذا رد على الذين يقولون الآن الأديان الصحيحة ثلاثة يجب أنها تتجاور تتحاور وأنها تتقارب وكل يصل إلى الله اليهود على دين والنصارى على دين والمسلمون على دين هذا والعياذ بالله من أقبح الضلال وأبطل الباطل لأنهم جعلوا الكفر إيمانا وأنه يوصل إلى الله وأنه يساوي الإسلام وأن اليهودية والنصرانية تساوي الإسلام فهذا تكذيب لقوله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وتكذيب لقوله عز وجل النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. Donc le cheikh il mentionne ici ensuite un point très important et qui malheureusement est propagé par certaines personnes à notre époque et répandu par certains égarés à notre époque. Et donc le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, il dit, et il y a dans ça une réfutation de ceux aujourd'hui qui disent il y a trois religions qui sont bonnes, il y a trois religions qui sont valables, et il faut que ces trois religions-là dialoguent entre elles, et que ces trois religions se rapprochent, hein, l'une d'elles. Et il faut, hein, il mentionne que toutes ces trois religions, et il parle de ces trois religions en voulant dire les juifs et les chrétiens et les musulmans, ils prétendent que ces trois religions-là peuvent nous aider à atteindre Allah, hein, ou bien nous aider à atteindre la vérité. Et ils disent, les juifs sont sur une religion, les chrétiens ont leur religion, et les musulmans ont leur religion, hein, et que les trois sont valables. Eh bien, le cheikh, il dit, ça, que Allah nous en préserve, c'est une des plus laides formes d'égarement. C'est une des plus laides formes d'égarement, et il dit, wa abtal al batil. Hein, il dit c'est une des plus grandes formes de fausseté, et il dit parce que ils ont fait de la mécréance une foi, ils ont rendu la mécréance, hein, comme étant une forme de foi, comme si d'être chrétien et juif c'était de la foi alors que c'est du kufr, hein, et ils ont prétendu que cela peut nous faire atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, et que l'islam et que le christianisme et le judaïsme étaient égaux à l'islam. Hein? Et que le christianisme et le judaïsme étaient égaux à l'islam. Et le cheikh, il dit, et ceci est une forme de reniement, hein, et une négation de ce que Allah dit dans le Coran. Lorsqu'il dit, dis au Muhammad, ô vous les hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Ça veut dire, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Pour vous tous, ça veut dire même les juifs et même les chrétiens. Pas seulement pour les arabes, pas seulement pour les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour tous les hommes, sans exception. Qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient athées, qu'ils soient hindous, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient, yani, peu importe, agnostiques, qu'ils soient animistes, qu'ils soient, peu importe, hein, qu'ils soient panthéistes, peu importe la croyance qu'ils ont, le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé avec le tawhid pour tous les hommes. Et donc aujourd'hui, tu vois, c'est ça qui se passe maintenant dans plusieurs pays, hein, dans plusieurs pays, et puis en particulier aussi en France maintenant, parce que les koufars là-bas, ils font beaucoup de problèmes aux musulmans, et ils veulent créer qu'est-ce qu'ils appellent un islam de France, hein, et ils partent de l'idée à la base que l'islam est une religion comme les autres. Hein? Et donc ils s'imaginent, comme ils disent par exemple, bon, on a géré la religion juive, on a géré la religion chrétienne, hein? Et bien maintenant on doit gérer aussi la religion musulmane, parce que c'est une religion parmi les religions, hein? Et donc il faut s'en occuper. Sauf que l'islam, il n'est pas comparable au judaïsme et il n'est pas comparable au christianisme, parce que pour les chrétiens et les juifs, le mot religion, ça ne veut pas dire la même chose que pour les musulmans. Le mot religion pour les juifs et pour les chrétiens, c'est quelque chose qui est seulement une question spirituelle, une question que quelqu'un il peut prier chez lui et il fait sa prière, ça s'arrête là. Mais l'islam, c'est un mode de vie complet. C'est une foi, mais c'est une foi, mais en même temps aussi c'est des règles, et c'est des lois et c'est des principes qui touche tous les différents aspects de la vie politique, sociale, économique, hein? Et donc quelqu'un peut pas juste prendre l'islam comme étant juste une question qui se limite à la relation spirituelle entre l'homme et son créateur. Ça c'est une des plus importantes, ou sinon la plus importante des aspects de la religion, mais ça se limite pas que à ça, hein? Puisque dans la religion de l'islam, il y a la relation entre la créature et son créateur, et il y a aussi la relation entre les créatures elles-mêmes, et la relation entre la créature et sa propre personne, et ainsi de suite. La relation des créatures, des êtres humains, par exemple, avec les animaux, aussi comment il doit agir avec les animaux, avec la nature, avec les autres êtres humains, avec les musulmans, avec les non-musulmans, et comment il doit agir envers son créateur, comment il doit l'adorer. Et tout ça, c'est géré par des principes et des règles et des lois dans le Coran et dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça inclut tous les aspects de la vie. Donc pas seulement, yani, pour les aspects de la prière et du jeûne et des choses de ce genre. Et c'est justement qu'est-ce qui se passe actuellement dans beaucoup de pays musulmans, et qu'est-ce que beaucoup de musulmans subissent aujourd'hui. Hein? C'est comme s'ils vivaient dans une sorte de dichonomie, hein? De contradiction entre leur croyance et leur religion et le système et les lois qu'ils suivent dans certaines choses de certains aspects de leur vie. C'est comme s'ils vivent avec leur religion, le Coran et la Sunna, et d'un côté il y a les règles d'Allah et les lois d'Allah qu'on connaît tous, mais par contre dans les aspects de la vie, les lois et les règles sociales, hein, et les règles économiques et les règles politiques, là ils veulent se créer d'autres lois qui viennent en contradiction avec les lois qui sont dans le Coran et dans la Sunna. Oui, ça les arrange, mais en même temps, c'est ce qui crée tous les problèmes dans la société. Parce que là, les gens sont en contradiction avec eux-mêmes. Hein? Parce que d'un côté, ils vivent selon la loi d'Allah dans leur vie personnelle, mais dans leur vie publique, dans leur vie sociale, dans leur vie politique, dans tous les autres aspects de la société, ils sont en contradiction avec leur religion. Hein? Et donc ça, c'est des choses qui sont... qui crée à l'intérieur des individus une genre de coupure en eux-mêmes, une genre de fissure, hein, dans leur âme, qui fait que ça devient des gens qui se contredisent, des gens qui sont en contradiction avec leur propre conviction. Et c'est pour ça que beaucoup de musulmans actuellement dans différents pays musulmans et dans le monde, on vit dans toutes sortes de problèmes. Donc, et puis tu vois par exemple quand il se passe certaines questions dans certains pays musulmans qui arrivent, tu vois que des choses se passent qui sont contraires à l'islam, puis après tu vois des gens qui disent « Oh mais il faut faire des nouvelles lois pour gérer ces problèmes-là. Hein? » Une jeune fille par exemple qui se fait violer ou je sais pas quoi, et puis ils disent « Oh, mais on a besoin de nouvelles lois, on a besoin de faire des lois, d'appliquer des choses comme ça. » Et allez, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, depuis plus que 1400 ans, hein, il a révélé dans le Coran les règles qui ont rapport avec ces questions-là. Donc pourquoi tu as besoin de penser que tu as besoin de créer de nouvelles lois? Non, applique la loi qui existe déjà dans le Coran et dans la Sunna, ça suffit. Et même que c'est meilleur. Parce que là, si tu vas aller dans les questions des koufars maintenant, comme ils font maintenant, ils rentrent dans les histoires. Mais est-ce que tu es consentant? Est-ce que tu n'es pas consentant? Est-ce que tu avais voulu? Est-ce que tu ne voulais pas? Est-ce que tu voulais? Hein? C'était quoi son intention? Est-ce qu'elle avait compris? Est-ce qu'elle n'avait pas compris? Est-ce qu'elle était droguée? Est-ce qu'elle n'est pas droguée? Est-ce qu'elle est ivrogne? Est-ce qu'elle était ivre? Est-ce qu'elle n'était pas ivre? Hein? Donc tout ça, c'est déjà à la base, hein, à cause des péchés que les gens font. Et ils veulent essayer de rendre halal des choses interdites, et tout ça, ça crée par la suite des conséquences qui font que les gens vivent dans la contradiction et dans les problèmes. Donc, il faut que les musulmans comprennent ça, et il faut éliminer cette dichotomie dans la mentalité des musulmans, dans la mentalité dans certaines sociétés. Il faut détruire cette dichotomie-là que les koufars, eux, ont encouragé, hein, dans le mode de vie des musulmans. Il faut cesser ça. Il faut revenir à la religion d'Allah entièrement, complètement, et pas seulement dans certains aspects de la vie seulement. Et le cheikh, il cite et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a démenti cette idée des kuffars que, hein, il y a plusieurs religions qui sont acceptées ou qui sont bonnes, ou qui sont acceptables ou valables. Lorsqu'il dit, comme j'ai dit tout à l'heure, quand Allah a mentionné, dit « Ô Muhammad, hein, je suis le messager d'Allah, je suis pour vous tous le messager d'Allah », et l'autre verset que le cheikh il a cité, le verset 157 dans Sourate Al-A'raf, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie « le prophète illettré ». Qu'ils trouvent mentionné par écrit dans leurs livres, dans la Torah et l'Évangile, qui leur ordonne le bien et qui leur interdit le mal. Ça, c'est la preuve qu'il est venu pour eux aussi, pour les Juifs et pour les chrétiens, pas seulement pour les Arabes. Hein? Donc ça, c'est ce qui les réfute encore une fois. Et il cite, hein, et on va lire ce passage-là, ensuite, il dit « وَأَنَّهُ مُرْسَلٌ إِلَىٰ عَمَّةِ الْخَلْقِ » وَأَنَّ لِلَّهِ أَوْلِيَاءَ خَاصَّةً لَمْ يُرْسَلْ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ بَلْ لَهُمْ طَرِيقٌ إِلَى اللَّهِ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهِ كَمَا كَانَ الْخِدْرُ مَعَ مُوسَى. Donc il dit, certains également parmi les gens de l'égarement, ils disent que le messager, il était envoyé aux gens du commun, parmi les créatures, les gens ordinaires, et que Allah subhanahu wa ta'ala, il a serviteurs rapprochés qui sont des élites et des gens spéciaux, hein, des gens particuliers. Et il ne leur a pas envoyé les messagers à eux en particulier. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'en ont pas besoin. C'est-à-dire, c'est cette catégorie-là, ils n'ont pas besoin de messagers, eux. Et ils ont un autre chemin pour arriver à Allah, qui est une autre direction, d'une autre voie, d'une autre orientation que celle des prophètes et des messagers. Et ils donnent comme exemple pour supporter cet égarement-là, l'idée de Khidr avec Moussa alayhi salam. Hein? Et ça, c'est bien entendu les égarés parmi les soufis qui prétendent ce genre de choses. Et donc, le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit: وهذا قول غلاة الصوفية يعترفون أنه رسول الله إلى الناس ولكن خواص الخلق ما يدخلون تحت رسالته خواص الأولياء من الصوفية هؤلاء وصلوا إلى الله ليسوا بحاجة إلى الرسل لأنهم عرفوا يسمونه العارف عرفوا ووصلوا ليسوا بحاجة إلى رسول الرسول للعوام فقط ولا يحتاجون إليه لأنهم عرفوا الله ووصلوا إلى الله فلهذا فليسوا بحاجة إلى الرسول فيعني يعرفهم بالله لا فليسوا بحاجة إلى الرسول يعرفهم بالله. Donc le cheikh dit ça, c'est la parole des extrémistes parmi les soufis. Ils reconnaissent qu'il y a un messager qui est envoyé aux hommes, mais ils disent que les êtres particuliers parmi les créatures, les élites parmi les hommes, eux, ils n'entrent pas dans le message du messager. C'est-à-dire, ils ne sont pas visés par le message du messager. C'est les élites parmi les rapprochés d'Allah, ceux qu'ils appellent les saints, parmi les soufis. Et ils disent que ceux-là sont déjà arrivés à Allah. Ils n'ont pas besoin de messager. Ils n'ont pas besoin de messager, eux. Ils n'ont pas besoin de la sunna. C'est pour ça que tu vois beaucoup de soufis, tu leur ramènes les hadiths authentiques, le Coran, tu les ramènes les versets de Coran, tu les ramènes la sunna. C'est comme si tu leur disais, il y en a des choses, ça n'a pas d'importance pour eux. Tu dis, comment ça? Tu leur mentionnes des versets dans le Coran, tu leur mentionnes des hadiths, et puis ils ne les acceptent pas? Comment ça? Parce que pour eux, ils ont dit, non, nous, on n'a pas besoin de ça. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas directement avec nous. Nous, on parle directement avec Allah. Allah, il nous parle directement. On est déjà arrivé à Allah, on a connu Allah déjà directement, on n'a pas besoin des prophètes et des messagers. On a un autre raccourci, nous, pour aller à Allah. On n'a pas besoin des prophètes et des messagers comme vous. Ça, c'est les gens ordinaires, les gens du commun. Vous avez besoin des messagers, pas nous. Nous, on est spéciaux. On a une relation spéciale avec Dieu qui fait en sorte que nous, on n'a pas besoin d'un messager ou d'un prophète. Et ça, c'est du kufr, c'est de la mécréance. Le cheikh, il dit... Eux, ils disent, on a connu Allah. C'est pour ça que les soufis les appellent, celui qui est un wali ou un cheikh soufi l'appelle al-arif, c'est-à-dire le connaisseur d'Allah, celui qui a connu Allah. Il a la gnose, la connaissance secrète, mystique. Il a reçu des émanations divines. Il n'a pas besoin d'étudier pour apprendre la religion, ça lui tombe dessus directement. Allah al-musta'an. Ils n'ont pas besoin de messagers. Donc ils disent, les messagers, c'est juste pour le commun des musulmans, les gens ordinaires, comme vous. Mais nous, on n'en a pas besoin. Et donc, ça, c'est l'égarement de ces gens-là. Yani. Il dit, فَهُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمُحَمَّدٍ. Donc, on va laisser ça ici, ou bien on va continuer, on va terminer le chapitre. Pas le chapitre, le paragraphe. On va passer dessus, mais on va revenir là-dessus au prochain cours pour clarifier un peu plus. Il dit, هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. Moussa عليه السلام بُعِثَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلِ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً أَمَّا هَذَا الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم فَقَدْ بُعِثَ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً الْخِدْرُ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ أَتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا مِنْ لَدُنْهُ وَلَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ دَعْوَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ هذا جائز في الأمم السابقة أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز إلا من وجد بعد بعثته إلا أن يتبعه فلا يجوز إلا من وجد بعد بعثته إلا أن يتبعه عليه الصلاة والسلام. حتى موسى لو وجد عليه السلام وجب عليه أن يتبعه، وعيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهناك فرق بين رسالة موسى وعيسى ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الخصائص التي أوتيها رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الرسل قبله يرسلون إلى أممهم خاصة، أما هو صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الناس عامة، هذه لم تحصل إلا له صلى الله عليه وسلم. فلا يسع أحدا من الخلق بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبعه. فالصوفية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة لا أمة الإجابة، يعني الغلاة منهم، وإلا فليس كل الصوفية خارجا عن الإسلام، بعضهم عنده شطحات ولكنه لا يخرج من الإسلام، وإنما غلاة الصوفية يدخلون الذين بلغوا هذه الوقاحة وقالوا لسنا بحاجة إلى الرسل، نحن واصلون إلى الله عارفون بدونهم، إنما هم للعوام فقط. Donc le cheikh il explique ici, il dit il y a une différence entre la da'wa de Moussa alayhi salam et la da'wa du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que eux ils utilisent l'argument oui mais Khidr, Khidr alayhi salam, yani il a pas suivi Moussa. Donc nous on n'a pas besoin des messagers parce qu'on fait partie des élites, on est des serviteurs rapprochés, des serviteurs spéciaux. On n'a pas besoin de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière que Khidr n'avait pas besoin de suivre Moussa alayhi salam. Donc le cheikh il leur répond en leur disant il y a une différence déjà à la base entre Moussa alayhi salam et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Moussa alayhi salam a été envoyé en particulier à Bani Israël seulement et pas aux autres peuples. Tandis que ce messager, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour tous les hommes sans exception. Il a été envoyé pour tous les hommes sans exception. Al-Khidr, c'est un serviteur parmi les serviteurs d'Allah. Et Allah lui avait donné une science de sa part, une science venant de lui. Et il ne rentrait pas sous ceux qui étaient touchés par la mission de Moussa alayhi salam. Et ça c'était permis dans les nations précédentes, c'est-à-dire que c'est possible que dans les nations précédentes un messager venait pour un peuple en particulier et que quelqu'un qui fait partie d'un autre peuple ne soit pas visé par sa da'wa, d'accord, ça c'est possible. Il dit tandis que ce messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toute personne qui est née après sa venue qui a entendu parler de sa mission, il n'a pas d'autre choix que de le suivre. Il dit même Moussa alayhi salam, s'il était présent aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même Isa alayhi salam qui va revenir à la fin des temps pour terminer sa vie, eh bien il va suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même le prophète Isa alayhi salam va suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire que même si Khidr existait aujourd'hui, il n'a pas le choix de suivre autre chose que la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu ne peux pas utiliser ce prétexte ou cette shubha de dire non, Khidr il n'a pas suivi Moussa alayhi salam, donc moi je suis un élite, j'ai une relation directe avec Dieu, je n'ai pas besoin de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est de l'égarement ça. Et donc le cheikh il dit ça fait partie des particularités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que les messagers précédents ils étaient envoyés à leur peuple en particulier, tandis que lui il a été envoyé pour tous les hommes sans exception. Et ça n'est pas arrivé à d'autres prophètes excepté à lui seul. Et donc personne parmi les hommes aujourd'hui peut prétendre qu'il n'est pas visé par la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a le choix de le suivre ou de ne pas le suivre. Non, personne n'a ce choix-là. Donc ceux parmi les soufis qui prétendent qu'ils ne sont pas visés par cette da'wa-là, et que la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça les visait pas eux, il dit ceux-là, yani, ils sont pas musulmans, ceux qui croient ça. Il dit c'est pas tous les soufis hein, qui sont en dehors de l'islam, parce qu'il y en a parmi les soufis hein, qui ont seulement des égarements qui ne les font pas sortir de l'islam, hein, des bid'ahs, des égarements qu'ils pratiquent, des choses qu'ils font, des superstitions, des égarements, mais qui n'atteignent pas le degré de kufr hein, ou de shirk. Toutefois, les extrémistes parmi les soufis hein, et ceux qui ont atteint ce degré de dire nous on n'a pas besoin de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, on a atteint le degré direct avec Dieu, on n'a pas besoin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors ceux-là ne sont pas musulmans. Hein. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, on continuera la semaine prochaine, ou bien plutôt prochain cours, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.